CKRL. Écoutez et participez. Maximum d'amour, un minimum d'effort. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Quand on a 19 ans, on peut acheter de l'alcool légalement. On peut aller voter. Ça fait un an qu'on a 18 ans. On peut entrer sur les sites qui nous manquent si on a 18 ans et plus. On est né en même temps que La Barberie. Mais quand on a 19 ans, on peut être une entreprise en pleine croissance. On peut être un acteur important de l'économie sociale de Québec. Quand on a 19 ans, on peut déjà faire partie de l'histoire. Et on peut rêver aux belles années qui s'en viennent. Quand on a 19 ans, on a hâte à l'année prochaine. La Barberie, 19 ans, bientôt 20. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita, chers auditeurs et auditrices et amateurs de bonne musique rock progressif. On a pour vous ce soir, je dis « on », c'est Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation et au choix musical pour l'émission Terra Incognita. Et oui, on a pour vous deux heures de bon rock progressif, on a quelques nouveautés pour débuter et plusieurs disques de 2016, parce que là déjà on a en fait la moitié de l'année il commence déjà à avoir pas mal de quelques disques qui se démarquent et ce qui se démarque pour moi dans le dernier mois en fait, et je suis presque sûr que ça va être dans mon, en fait c'est sûr que ça va être dans mon top 10 de 2016, c'est le groupe italien Mad Fellas. C'est un groupe que je connaissais pas du tout. Michel m'en a parlé. Et c'est leur second disque. Leur premier s'intitulait tout simplement Mad Fellas. C'était paru en 2013. Les critiques de ce disque-là sont élogieux. Je suis allé voir par après, en faisant un peu de recherche sur Mad Fellas. En fait, Mad Fellas, c'est un groupe qui est composé de 6 ou 7 musiciens. Voilà. Donc, ils ont une musique qui est très orchestrée, assez jazzée. Et il y a également trois autres musiciens qui sont invités sur ces pièces-là. Il y a plusieurs longues pièces de 14 minutes plusieurs pièces où, en fait, il y a beaucoup de matériel musical sur cet album-là. C'est bon du début à la fin. Mad Fellas 2, moi, c'est mon coup de cœur. Et je vous fais découvrir mon coup de cœur donc ce soir en débutant l'émission. Ensuite, un autre projet de l'Italie, ça s'appelle The Rome Project. C'est un projet, c'est le second, hein, c'est un projet du claviériste Vincenzo Ricca. Et qui invite sur cet album-là Steve Hackett sur plusieurs pièces, également Billy Sherwood qui est sur presque toutes les pièces. Il y a également David Jackson qui était de Vandergraaf Generator et également le bassiste Frank Carducci qui est invité sur une pièce, mais pour ce qui est d'Hackett, il apparaît sur au moins 3 ou 4 pièces, Jackson au moins 2-3 pièces. Et c'est un album qui c'est instrumental et le concept de cet album là c'est une pièce pour chacun des monuments des emplacements de Rome, alors The Rome Project, et c'est le thème, c'est vraiment très bon, je dirais plus homogène que le premier, alors très bon. On écoutera une pièce la pièce SPQR avec Steve Hackett. Vous écouterez l'excellente guitare de Steve Hackett, vous le reconnaîtrez, c'est sûr, et Billy Sherwood sur ça, et Vincenzo Ricca sur cette pièce SPQR. Et on aura également un troisième extrait de Big Big Train, leur plus récent album, ce groupe du Royaume-Uni. L'album Folklore, on aura la pièce The Transit of Venus Across the Sun. Mais tout d'abord, et pour débuter, le coup de cœur, mon coup de cœur, Mad Fellas. On y va tout de suite en musique avec la pièce Hollow Shell. Thank you. time and place. A black drop at the edge of the sun. Stars all clouded out. Starlight never breaking through. There'd be dragons taking flight, and demons through the long night. The sky all falling in, nothing ever was the same again. Set a course for the stars, reaching out. Thank you. Sur les ondes de CKRL, à Terra Incognita, on entendait le groupe Big Big Train du Royaume-Uni, et leur plus récent album Folklore, un groupe qui fait de la musique qui ressemble un peu à Genesis. Vous l'aurez remarqué, avec une touche moderne, c'était la pièce de Transit of Venus Across the Sun, donc Folklore. Leur tout nouvel album, on avait eu juste avant la belle guitare de Steve Hackett et le clavier de Vincenzo Ricci et la basse de Billy Sherwood, voilà, sur cet album The Rome Project, la pièce SPQR, c'est le Rome Project numéro 2, qui s'intitule Of Fate and Glory. C'est très bon, en fait, il y a plusieurs bonnes pièces, là. Vous allez en réentendre dans l'émission au courant de l'été, c'est certain. Et juste avant, bon, on avait débuté avec Mad Fellas, c'est la pièce d'ouverture de leur nouvel album Mad Fellas 2 de l'Italie. Et comme vous avez pu le constater, c'est jazzé. Il y a des invités qui jouent d'ailleurs de la trompette, voilà. On a entendu de la trompette, saxophone. Il y a déjà dans le groupe un musicien qui fait de la flûte, des clarinettes. Ils sont 8 musiciens. Donc, Mad Fellas, c'est mon coup de cœur, là. Ça, c'est un super album. J'ai bien hâte de vous en faire découvrir d'autres pièces dans de futures émissions. Mais pour le moment, on découvre d'autres groupes et je suis bien content de partager ça avec vous. Parlant de spectacles qui s'en viennent, on a en début septembre Aiken qui viennent dans une petite salle intime, le Cercle. Les billets ont été en vente à partir d'aujourd'hui. Ils sont le 3 septembre 2016, Aiken. Et également, il y aura le groupe de Montréal Mystery qui seront au Cercle le 2 octobre 2016. Et il y a également un groupe de Rimouski Accuse qui fera un spectacle au mois de juillet à Lanty, le 23, je crois. Il faut surveiller ça. Et mais ils font une musique qui est quand même assez proche du prog pour le groupe Accuse. On a déjà fait jouer un extrait l'an dernier. Et ça passe si vite et il y a tellement de groupes à découvrir. Alors on va poursuivre en musique avec Vector K, un groupe de la région de Montréal. Vector K, leur second album Incident au Café. Et on aura la très belle pièce assez rock, Rencontre, Dialogue et Vendetta. On a également un autre extrait de Il Paradiso degli Orchi. C'est un nouveau groupe italien et il y a Fabio Zuffanti qui a travaillé avec eux. Ils ont travaillé pendant 3 ans. C'est ce qu'il dit dans le livre. Michel Bilodeau a écrit un livre sur Fabio Zuffanti, Jeu de miroir, et on apprend qu'il a travaillé donc avec ce groupe Il Paradiso degli Orchi et sur l'album Il Corpo Nota. Alors, on écoutera une pièce, un extrait en fait d'une longue pièce de Deserto, et on y va tout en musique avec Vector K. Ce que tu aurais préféré depuis la honte et le dégoût. Depuis ce jour où tout a basculé, où dans la foule tu t'es livré, dans la foule tu m'as inventé pour survivre à ton geste, pour survivre à l'homme que tu étais. Je me brûle les attentes. En regardant tes mouvements, tu m'as surtout. fragmenté. Je creuse encore plus loin, vers l'endroit, le moment. Dansant avec les corbeaux, né du mensonge, mon destin s'estompe. À la fin, toutes mes passions s'assèchent. Lentement, immergé de pierre, je renais, me reconnais et j'enfonce la détente. Le voyage est complet. stanco lo so, mi lascio cadere nella sabbia, bruciato dal sole, rubato dai passi. Sa dove andare, cade perché non sa che fare, la sabbia lo avvolgerà senza fargli male. sciolgono, copro e colorano le dune insieme ad alberi, germogli e fiori e fiumi nascono ed io non so se più sogno realtà o chissà cos'è. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Soulfinger, les vendredis 18h30 avec Jean-Sébastien Grondin. Dérapage, les dimanches 19h avec Patrice Drapeau-Bisson. Web musique, les dimanches 20h avec Simon Roy. Le week-end, faites une place de choix à la musique urbaine. Rallonge tes rêves. Tous les soirs du 7 au 17 juillet, le quartier Saint-Roch s'anime au rythme du Festival d'été de Québec. It's time for you to disappear. Éric Truffaz Quartet, Les Deluxe, The Tallest Man on Earth, Saratoga, Sophia Nolin, Anatole et bien plus. So I could stay the tallest man in your eyes, babe. Le rendez-vous idéal pour vivre la musique de près et découvrir des artistes de talent à l'Impérial Belle, au District Saint-Joseph et à l'Anti, bar et spectacle. La programmation en salle du festival est une invitation de Groupe Voyage Québec. Programmation complète à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Belle en collaboration avec Molson Canadian. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Et de retour avec Bruno et Marc à l'émission Terra Incognita. J'espère que vous avez apprécié ce bloc musical. Moi, je me suis régalé. Ça s'est terminé avec le groupe italien Il Paradiso degli Orchi. C'est un nouveau groupe et ça a été, ça vient de sortir. Ça a été parrainé, si on veut, par Fabio Zuffanti, qui est un producteur assez connu en Italie. C'était tiré de l'album Il Carponauta. Et c'était un extrait de la pièce Deserto. Et juste avant, le groupe du Québec, Vecteur K. Et ça, c'est vraiment très bon aussi. Si vous aimez le rock à tendance progressif, des bons groupes québécois là, qui se sont démarqués dans le rock progressif, vous risquez de beaucoup aimer cet album. Et c'était la pièce Rencontre, Dialogue et Vendetta sur l'album intitulé Incident au café de Vecteur K. Alors, on y va en musique avec quelque chose qui a été enregistré en fait dans les années 80. En 81, c'est paru. De la Suède, c'est un groupe dont j'avais jamais entendu parler avant cette réédition-là, parce qu'il vient d'y avoir une réédition de luxe, là, donc ça vient tout juste de paraître. Et sur ça, il y a l'album original qui avait été enregistré, paru en 81, et il y a également une pièce en... deux pièces en studio et une pièce en spectacle, en Bonnie, plus les quatre pièces d'un EP qui avait été réalisé en 2008. Donc, le groupe Cultivator, c'est un groupe qui aurait influencé des groupes comme Alec Dalton, par exemple, puisque ils sont, qui étaient, c'était un album de fin des années 70, début 80. Donc, un rock superbe, c'est chanté en suédois pour la plupart des pièces. Alors, pardon, j'ai dû éternuer. Alors, on ira une pièce, c'est très bon, ça vient d'être édité, ça vaut la peine d'être écouté si vous aimez les musiques qui vous amènent, qui sortent de l'ordinaire, là. Surtout, alors, Nova Rest de Cultivator, et on poursuivra en musique avec, en fait, on a T, du nouveau... le groupe du Japon tiré de Tales of Eternal Entities. On aura une pièce de ça. On aura également une pièce de Ottavo Strada tirée du second album, leur nouvel album qui est paru l'an dernier, Babylon, la pièce Ombre Chinesi. Mais tout d'abord, on y va avec les Suédois Cultivator. notre Dior Palette. Se uguale omologata a chi ti vende il nulla e ti mescola alle figure piatte fatue di un'arte antica. Insoddisfatte grida al mondo, un mare oscuro che c'è in te. Coi silenzi e le malinconie, coi sorrisi dolci senza le bugie. Sai, puro Vous écoutez CKRL 89.1 Québec. The way this narrative's unfolding, I've gotten way above my head. Since I'm about to be held to account for some things I never did, some words I never said. I can tell you're keen to hold my attention. Though my concentration's starting to fade. As you set out your stall and say that you're ready to wait for the payout on promises I never made. This is going. Where this is going. I don't know if we're speeding up. Or slowing down. Or slowing down. You haven't read the questions. You haven't read the questions. I haven't got the answers now. Looks as though we've run aground. Nothing here is safe and sound. Better bring it on. Get the motor running. Surely we don't belong. But let's pretend anyway. So the story's gone wrong. Well, no one saw it coming. Moving along. Strangers might be husband and wife, might find our future assured. Time and time it's enticed. None of them can change us. Woman, you don't think twice. Just make up what's gone before. Imagination's gone. A stranglehold on you. You talk as if you know me. Talk as if you know me. In reality, you haven't got the faintest clue. Exploding through a merry dance, your fantasies have sped. Still, you say my words. shelter in your heart forever. I'll always love you. That wasn't what I said. Peter Hamill sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Vous ne l'entendez pas souvent, hein, je suis certain. Et c'était une pièce tirée d'un album paru en 2013, Consequences, une pièce qu'il a interprétée à son spectacle le 2 juin. Je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler ce moment avec vous, avec cette pièce « That Wasn't What I Said », voilà, de Peter Hamill. Juste avant... on avait eu Goblin Rebirth, tiré de leur album Goblin Rebirth, éponyme, paru en 2015, la pièce Book of Skulls. On avait eu également Ottavo Strada, la pièce de Babylon, la pièce Ombre Cinesi. Et voilà, on se poursuit encore en italien, vous serez pas surpris certains, avec La Fabbrica dell'Assoluto. D'ailleurs, il y a une entrevue avec eux là, dans le nouveau magazine Terra Incognita, le magazine numéro 45. Il y a également Unreal City, il y a un numéro spécial sur Tangerine Dream. Il y a aussi des chroniques qui sont super intéressantes de groupes dont on n'a jamais entendu parler. Et puis, ça donne le goût de découvrir même des choses, évidemment, du passé et des choses du présent. Alors, on poursuit avec La Fabbrica Oui dell'Assoluto, tiré de leur premier album. C'est un nouveau groupe de l'Italie avec la superbe pièce Proceccio di Omologazione. Et voilà. Et ensuite, on aura un album de 2005, Carb Tree, tiré de Man-Made Machine, la pièce éponyme. J'ai écouté ça récemment, je me suis dit, ah oui, ça fait si longtemps qu'on a fait jouer du Carb Tree. Et on aura aussi Gally Caplan. On y va tout de suite avec La Fabbrica dell'Assoluto. We'll be right back. Shut that

Ben voyons, le monde